Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, la dernière réussite de Jean-Michel Ribes. Mosaïque de personnalités et de personnages, Muséo Muséba est le portrait de ce peuple des musées, chaque jour plus nombreux, qui vient visiter, se réfugier ou travailler dans ce lieu de folie, de liberté et d'imaginaire, et y jouer une fois de plus la comédie humaine, parfois jusqu'au burlesque. Mais vous pouvez vous asseoir dans n'importe quel tableau impressionniste, on est chez nous, hein, on est en France. Et celui avec les coquelicots qui est dans le restaurant de Paulette, on va le voir? Bien sûr, mais sans le calendrier autour. Ah zut! Quand on pense que la plupart n'avaient même pas de quoi acheter leurs pinceaux. Et ils ont fait 7000 tableaux. Et alors qu'ils étaient chômeurs? Des impressionnistes? Des chômeurs qui travaillent. C'était des types merveilleux, non, Henri? Si, Carole, si. Moi, j'aurais adoré être leur femme. Vous n'êtes pas la seule, ils en avaient plein. Des femmes? Ah oui, c'était des très gros baiseurs. Les impressionnistes. Ah oui, ils bourraient tout ce qui bougeait. Alors, je vous demande simplement de me dire si c'était dans cette salle qu'était les Kandinsky. Vous me répondez franchement. On a été obligé de remplacer les Kandinsky pour exposer une série de braquemars et on n'en parle plus. Point barre, et moi je rentre chez moi. Madame. D'autant que je ne vous en voudrais pas parce que j'aime assez tous ces portraits. Muséo Muséba, après le succès de la pièce, le film de Jean-Michel Ribes, avec Michel Blanc, Victoria Abril, Pierre Arditi, Josiane Balasco, Muriel Robin, un DVD Warner Home Video.